Ah oui, elle boit malaria. Là, oui, va nous gagner malaria, du coup, maman. A terre, il faut se marier, il faut se faire pour le gars, j'en ai pas de mal, je t'en ai. Oh, ouais, quoi, non, moi, c'est la pire, quand même, non, pas de joie. Ouais, gars, c'est le. Quand on a le gigard, on m'a dit, viens, quand même, il s'est allé. Mais nous, la réalité, il y a de bonnes idées. A des amas d'avant, il a son rapport là, non, non. Hello.

quando le rimava tu la quando che era loro loro loro Yeah. Yeah, yeah, yeah.

I'm gonna go.